La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la parution, c'était il y a quelques mois, d'une nouvelle traduction par José Camoun du roman 1984, nous parlons jusqu'à jeudi de l'écrivain et penseur anglais George Orwell. Il fallait beaucoup de lucidité dans la décennie d'avant la Seconde Guerre mondiale pour être à la fois antifasciste et anti-stalinien, pour ne pas se réfugier quand on est un révolté dans le confort des idéologies. Et puis Orwell a choisi la double difficulté de décoder finement les ressorts de l'autoritarisme tout en restant un artiste et un styliste, comme nous allons le voir au cours des quatre émissions qui arrivent. Jeudi, avec l'écrivain Jean-Pierre Martin, nous évoquerons le George Orwell campagnard retiré dans sa maison de Barnhill, où il fuyait la radio, les voitures, les grandes villes et les nourritures en conserve. La veille mercredi, nous aurons parlé du moment espagnol de la vie d'Orwell quand il part faire la guerre aux côtés des républicains à Barcelone et en Aragon. Ce sera avec Jean-Pierre Rosa. Enfin demain, avec François Borde, nous parlerons de son livre 1984 avant d'entendre en seconde partie Bruce Bégou évoquer la notion de décence ordinaire, expression qui revient régulièrement chez l'écrivain. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de George Orwell, nous sommes avec Stéphane Malter, professeur de lettres modernes à Clermont-Ferrand et auteur d'un portrait de l'écrivain publié en 2015 dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard, collection où il avait publié aussi, c'était en 2012, un portrait de Madame de Sévigné. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans la compagnie des auteurs. Rencontrer en chair et en os un auteur qu'on admire est bien souvent une déception. George Orwell était un des rares écrivains dont l'aspect et la conduite répondaient exactement à ce qu'attendait le lecteur de ses livres. Cette concordance exceptionnelle entre l'homme et l'œuvre était la mesure de l'unité et de la probité exceptionnelle de son caractère. Et on ouvre cette émission avec un extrait court d'un texte de l'écrivain Arthur Koestler, lu ici par Jean-Pierre Cassel. Bonjour Stéphane Malter. Bonjour. Alors Orwell était d'une probité exceptionnelle, nous dit Arthur Koestler. Et si je voulais vous taquiner, eh bien, je vous dirais que sa rigueur morale aurait pu être choquée peut-être par le fait que vous écriviez une biographie sur lui, puisque comme vous le notez d'ailleurs vous-même, Orwell avait écrit dans son testament qu'il ne voulait pas précisément de biographie. Expliquez-vous Stéphane Malter. Il y a une force effectivement de sacrilège à ne pas respecter les dernières volontés d'un auteur qu'on aime bien par ailleurs. Mais je crois que la vie de George Orwell est suffisamment riche et importante et la parole qu'il a à transmettre suffisamment forte et vraiment pertinente pour qu'on puisse transgresser cet interdit-là. Donc vous n'avez pas résisté à la tentation. C'est vrai que c'était d'autant plus attrayant que cet écrivain avait toujours rêvé lui-même de devenir écrivain. Il a toujours rêvé d'être écrivain depuis son plus jeune âge. Hein. Dès 5 ans, il écrit des poèmes qui n'ont pas grande valeur. D'ailleurs, toute la première partie de son existence est une écriture poétique à peu près sans grande importance, avec une révélation qui va être assez tardive et une mise au travail. Il va chercher véritablement à devenir un écrivain en se forçant à l'écriture, en se faisant aider. Et il apprend comme ça au fur et à mesure l'écriture. Mais c'est vrai que son envie est précoce. Il a toujours su qu'il voulait devenir écrivain. Il a eu la vision très, très précoce d'avoir ce talent-là. Ses amis disent même de lui qu'il se rêvait en écrivain à écrire en lettres capitales, un grand écrivain. Mmh. Donc il ne cherchait pas en tout cas à être un écrivain banal, il voulait sortir du lot. Bon, en tout cas, le sujet de son premier poème que vous évoquez, celui qu'il écrit à l'âge de 5 ou 6 ans, est un sujet qui donne envie, puisqu'il s'agissait de décrire un tigre qui avait des dents comme des chaises. Oui, inspiré alors de William Blake. On peut penser vraiment que ce poème-là, c'est vraiment anecdotique pour un auteur comme lui, hein, puisque on va avoir affaire à un auteur qui, au fur et à mesure des années, va construire une œuvre qui va de plus en plus éliminer tout le côté biographique pour aller vers la réunion de l'art et de la politique. Alors ce petit poème de début, c'est vraiment l'entrée en littérature par une toute petite porte, comme la plupart des écrivains d'ailleurs qui commencent par des poèmes pour l'école, pour le journal de l'école ou pour leurs parents. Mmh. Alors il s'inspirait aussi de Shakespeare pour écrire des drames historiques et il les lisait à quelqu'un qui est très important dans sa jeunesse, dans son enfance, qui s'appelle Jacinta. C'est qui Jacinta? Oui, Jacinta Bidicom, ça fait partie des amis d'enfance qu'il rencontre dans la petite ville de Denley où ils vont vivre avec ses parents et sa sœur. La rencontre d'ailleurs est assez surprenante puisque l'enfant George Orwell fait le poirier devant ses trois voisins pour se faire remarquer d'eux et ça fonctionne d'ailleurs très bien. Et Jacinta va devenir une petite amie rêvée, en quelque sorte. Enfin, il a toujours besoin de se faire un petit peu remarquer, et notamment des filles dans son enfance. Il fait le poirier régulièrement pour qu'on le remarque. Oui, alors on pourra parler de George Orwell et les femmes, qui sera sans doute un vaste sujet, puisque c'est l'amoureux maladroit par excellence. Dès cette époque-là. Dès cette époque-là, oui, effectivement, il commence à s'approcher, à faire des tentatives tantôt romanesques par la poésie, par des petits billets doux, ou alors carrément, il finit par sauter sur Jacinta, et ce qui fait qu'elle s'éloigne, alors qu'ils étaient vraiment des amis très proches, elle avait confiance en lui, et finalement cette maladresse-là, puisque c'est plus une maladresse qu'une agression sexuelle évidemment, mais cette maladresse-là, il va le suivre toute sa vie. Mmh. George Orwell sera vraiment un maladroit avec les femmes. Il n'arrivera jamais véritablement à les séduire uniquement par son charisme ou par son physique, par exemple. Mmh. Qui correspond à une sorte de nervosité chez lui, peut-être? Probablement, oui. Il n'a pas confiance, sans aucun doute, en lui ou en son physique. Il est très grand, très maigre. Les vêtements semblent flotter sur lui, même dès son plus jeune âge. Donc, il n'est pas un homme séduisant qui attire les femmes, ce qui fait qu'il ne sait pas s'y prendre. Et comme son père, il l'a finalement connu assez tardivement, puisque son père est en Inde pour son travail, il le connaît très peu. Il a peut-être pas vécu non plus cette expérience-là racontée par le père de comment on séduit une jeune fille. Donc il est très maladroit avec les femmes. Oui. Alors son père est en Inde parce que précisément George Orwell est né en Inde, enfin, je dis Orwell, mais il faudrait dire Eric Blair, puisque Orwell n'est évidemment pas le vrai nom de l'écrivain en question. Eric Blair est né le 25 juin 1903, il est né à Motihari, Stéphane Malter. Oui, alors Motihari, c'est une ville qui est proche du Népal. Son père va travailler parce que il n'a pas l'occasion de faire des études. Il vient d'une famille qui est quand même assez bourgeoise, mais qui a de génération en génération perdu en prestige, perdu en influence. Ce qui fait que le père d'Eric Blair, Richard Blair, va se retrouver en Inde au département de l'opium. C'est vraiment pas très glorieux comme poste. En plus, il est vraiment fonctionnaire. Un petit fonctionnaire sans grande importance, qui trime comme un fou pour l'Empire. Et il monte progressivement les échelons. Et Motihari, c'est les premières images sans doute qui vont obséder George Orwell toute sa vie, puisque l'Inde puis la Birmanie vont être les éléments les plus importants sans doute de sa vie, qui vont être vraiment des lieux fondateurs. Mais qu'est-ce qu'il a gardé de ses ancêtres? Alors ce qu'il garde de ses ancêtres, c'est sans doute un certain goût pour l'aristocratie, pour les valeurs anciennes. Certain conservatisme. Oui, voilà, il se dit conservateur anarchiste. Alors il y a le conservateur quand même à l'intérieur, même si c'est pour la blague. Mais oui, ces valeurs-là. Il aura toute sa vie l'impression d'être de la bonne société tout en ayant à chaque fois des salaires ou des ou vraiment peu d'argent. Alors, qui était le père, dénommé Richard Walmesley Blair, de Eric Blair? On a dit que c'était donc ce petit fonctionnaire qui vit en Inde. Comment se retrouve-t-il là et quelle personnalité a-t-il? Alors, Richard Blair se retrouve en Inde parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Les études lui sont interdites. L'Indian Service ne lui est pas non plus ouvert puisqu'il est trop jeune. Il est trop jeune d'un an pour passer les concours pour entrer dans la police ou dans l'administration en Inde. Ce qui fait qu'il se retrouve au département de l'opium, pour faire quelque chose. Et on est aussi dans une société où quand on veut vivre une vie de gentleman, quand on veut vivre bien, on peut en Inde faire illusion très facilement. Oui. Donc un père absent, parce que Eric Blair va lui revenir en Europe avec sa mère, et un père qu'il ne va pas aimer parce qu'il a un tempérament quoi bourru, désagréable, pas aimant. Oui, et puis comme les liens n'ont pas du tout été créés dans la petite enfance, il est très difficile pour Eric, qui a vécu parmi des femmes principalement, sa sœur, sa mère, sa tante et puis d'autres femmes encore. Il a très peu l'occasion de voir son père, ce qui fait qu'effectivement, il y aura des relations très très très difficiles jusqu'au bout de sa vie, puisqu'il n'y a pas de proximité véritablement entre les deux hommes. Ouais. Sa mère, elle s'appelle Ida Mabel Limousin. C'est une toute autre femme, un tout autre genre, c'est même le contraire d'une certaine manière de son père. Oui, et puis avec Richard, ils ont énormément d'écart d'âge, ce qui fait que oui, elle fuit aussi l'Inde parce que peut-être que ce mari qu'elle s'est trouvé pas par hasard, mais finalement parce qu'il fallait bien se marier à un moment elle ou à un autre. Elle était institutrice. Oui, sans doute délaissée par un amoureux, et puis elle tombe sur Richard. Oui. Qui sait peut-être la séduire, hein. On n'a pas les détails de cette rencontre-là précisément, mais on peut imaginer effectivement qu'elle se marie un petit peu par dépit avec cet homme déjà assez avancé en âge, en tout cas avec cet écart-là. Mais elle, c'est vrai qu'elle est complètement différente. Elle est très très vive, très vivante, elle s'intéresse à toutes sortes de choses. À la littérature notamment. À la littérature, elle fréquente le monde des suffragettes, elle fréquente la société de gauche. Voilà, elle s'intéresse à la politique aussi. C'est sans doute une influence déterminante aussi pour Eric Blair. Et alors, elle tient un journal, comme le fera plus tard Orwell. Et dans ce journal, elle consigne que le premier mot tenu par son fils, c'est en 1905, donc à l'âge de 2 ans, le mot bestial. Oui, le mot bestial. Alors sans doute parce que les conversations tournaient autour des hommes, de leur peut-être maladresse, de leur façon un peu brutale. Et effectivement, c'est un mot qu'il a dû répéter, puisqu'il a dû l'entendre plusieurs fois par ces femmes qui l'entouraient. Ça veut dire quelque chose pour vous d'avoir prononcé ce mot-là si jeune? C'est vrai que c'est pas innocent de pas avoir ni prononcé maman ni papa, mais d'avoir utilisé ce mot. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais c'est sans doute simplement la répétition et puis d'un mot qui revenait souvent. Voilà. Donc l'atmosphère de cette famille très féminine, beaucoup de féministes justement dans cette famille-là, c'est quoi pendant l'enfance de Eric Blair? Ben, on va avoir des fréquentations comme une sorte de salon où ces femmes reçoivent toute la société, alors ce qu'on appelle la société fabienne, donc toute la gauche anglaise. Et ça va durer pendant une dizaine d'années où il va pouvoir entendre des conversations, il va pouvoir se familiariser aussi avec cette société anglaise. Peut-être qu'il est formé dès l'enfance aux idées qu'il va épouser quand même assez tardivement, même s'il... Il a cette intuition que c'est une voie qui est bonne pour le monde. Alors pour mieux percevoir l'état d'esprit du jeune Eric Blair à 13 ans, je vous propose d'écouter un extrait de texte où il revient sur cette période dans le recueil Essais, articles, lettres, lu ici par Jean-Pierre Cassel. Comme j'étais heureux en ce matin d'hiver, tandis que le tram emportait avec cette cravate de soie flambant neuve, vert sombre, bleu, pâle et noir, si je me souviens bien, autour du cou. Le monde s'entrouvrait quelque peu devant moi comme un ciel gris que déchire une fine lézarde d'azur. Une public school, serait plus amusante que Saint-Cyprien, mais au fond tout aussi hostile. Dans un monde où les nécessités premières étaient l'argent, les titres de noblesse des parents, les qualités athlétiques, les vêtements sur mesure, les cheveux bien coiffés, un sourire charmant, je ne valais rien. Je n'avais gagné qu'un moment de répit. Un peu de tranquillité, un peu de bien-être, un temps d'arrêt dans le bachotage. Et puis la débâcle. J'ignorais à quelle sorte exacte de débâcle j'étais voué. Peut-être les colonies, ou un tabouret d'employé de bureau, peut-être la prison, ou une mort précoce. Mais d'ici là, j'avais un ou deux ans pendant lesquels je pourrais lever le pied et récolter les bénéfices de mes péchés, tel le docteur Faust. Je croyais fermement à ma mauvaise étoile, et pourtant j'étais intensément heureux. L'avantage d'avoir 13 ans, c'est qu'on peut tout à la fois vivre dans l'instant et être parfaitement conscient, prévoir l'avenir, sans pourtant s'en soucier. La compagnie des auteurs sur France Culture, qu'est-ce qu'on peut inférer, Stéphane Malter, de la personnalité du jeune Orwell à ce moment-là? Alors George Orwell, à 13 ans, il est dans une phase où il se sent complètement enfermé dans un internat, Saint-Cyprien. Bourgeoise, mais très dure. Très dure, et puis il va apprendre assez durement qu'il a été accepté dans cette école-là, qui est une école privée, qui prépare après aux grandes écoles, parce qu'il est talentueux, mais il est boursier, donc il paye moins que les autres. Et le traumatisme de son enfance, c'est de se trouver au milieu de gens plus riches que lui. Mmh. Et il va considérer vraiment que c'est la pire des tortures qu'on puisse infliger à un enfant, c'est de le placer dans une société comme ça, comme une école privée, où tout le monde est plus riche que lui, a des valeurs aussi un peu différentes, et puis des horizons divers. Une école snob et chère, écrivait-il, en passe de devenir encore plus snob et encore plus chère. C'est aussi une école où il y avait beaucoup de favoritisme. On sent que ça l'a marqué très profondément, et dans ses écrits ultérieurs, on le verra. Oui, alors il en fait un récit assez tardif, au moment de l'écriture de 1984, d'ailleurs, qu'il écrit « Tel étaient nos plaisirs », et qui raconte les souvenirs de cette enfance-là, à Saint-Cyprien. Et c'est sans doute ce regard d'adulte qui prépare un livre aussi sur l'oppression, sur les humiliations, qui va être un petit peu transformé par ce regard d'adulte. On a l'impression, en lisant ce récit-là, qu'il a vécu une horreur dans la saleté permanente, dans la violence. Apparemment, il y avait une piscine assez abominable, par exemple. Une piscine, alors là, pareil, hein. On a d'autres récits où ils vont dans cette piscine-là et s'y amusent volontiers. Mais il y avait un rituel de tous les matins d'y plonger, quel que soit le temps et quel que soit l'état de la piscine. Et apparemment très sale à certains moments, oui. Tout comme la nourriture qui le révulsait, avec le porridge sur riz qui était collé au bord du bol en étain dans lequel il mangeait. Donc il fait ressortir de ces souvenirs-là l'idée de la saleté qui va vraiment être un thème aussi important dans son œuvre. Il y a un côté un peu dickensien. Il a peut-être lu Dickens aussi pendant son enfance, non? Il a lu Dickens, et c'est vrai que les personnages qui le reçoivent à Saint-Cyprien, les Wilkies, on pourrait aussi parler des Thénardier, il a peut-être pas lu l'œuvre de Hugo, mais en tout cas on a deux personnages qui sont atroces. On a l'impression qu'ils sont dans la violence permanente, qu'ils ont envie d'humilier, qu'ils ont envie de frapper, et les punitions sont assez régulières. Alors, sur lui ou sur d'autres. C'est une société totalitaire, en fait, Saint-Cyprien. Oui, c'est vraiment, si on veut à chaque fois penser à l'horizon 1984, qui est vraiment le condensé de toute son expérience, de toute sa vie, dès son enfance et dès cette période-là, on a des traces, effectivement, de cette oppression qu'il va réexploiter dans la suite de son œuvre. Mmh. Alors, il y a quand même le futur grand écrivain Cyril Connolly, qui est son meilleur ami, avec qui il partage beaucoup, et notamment il parle beaucoup de lecture. Oui, on a heureusement la camaraderie qui permet de s'en sortir dans ces écoles privées qui sont, on imagine, des choses assez horribles. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de nous faire voir et comprendre. Et il est vrai que Cyril Connolly va avoir une expérience parallèle, à peu près la même. On trouve un témoignage assez sûr, finalement, en croisant les deux récits, de ce que pouvait être ce genre d'école, avec des humiliations par les autres élèves qui étaient censés diriger, surveiller les plus petits, les plus jeunes, et leur faire passer des sortes de bizutages très régulièrement pour les humilier. Alors à Saint-Cyprien, il sera quand même un bon élève. Ce sera un peu différent à Eton, la grande école là aussi, de la bourgeoisie anglaise, où il décide que finalement il va être quelqu'un de mou et qu'il ne va pas suivre finalement les ce qu'on lui demande de faire, tout simplement, Stéphane Maltin. Oui, il a subi à Saint-Cyprien une sorte de pression pour réussir, puisqu'il est boursier, il n'a pas sa place normalement dans cette école. Il n'a été choisi que pour intégrer les grandes écoles et faire une sorte de publicité à cette école privée Saint-Cyprienne, puisque lui pourra intégrer, il a du talent, il est bon en latin, il est bon en grec, il est bon dans plein de choses, mais c'est un laborieux aussi, il n'a pas un talent particulier pour les études. Il se force à Saint-Cyprienne et arrive à Eton, il a l'impression qu'il a déjà accompli son devoir dans l'école précédente et il a décidé de ne plus rien faire. Compagnie des auteurs sur France Culture. On peut peut-être dire un mot des lectures de cette époque-là. Il y a un certain nombre de livres que vous citez dans votre biographie, parmi lesquels L'île du docteur Moreau, parce que son idole, enfin l'une de ses idoles, c'est Wells. Oui, on a Wells, on a Jack London qui font partie de ses idoles, et il est assez amusant de voir que finalement il s'inspire déjà de ses lectures pour de futurs écrits, puisqu'il tirera, on pourrait dire, une idée générale, même s'il est loin d'imaginer qu'il va écrire un jour cette fable animalière qui est La ferme des animaux. Mais il est dans cette inspiration-là. Il se nourrit de ses lectures. Il y a déjà un intérêt pour l'anticipation, le récit fantastique oui, ou semi-fantastique. Pour Wells, effectivement, déjà, avec une utopie moderne, il dit qu'il a envie d'écrire ce genre de récit-là plus tard. Et c'est quand même assez amusant de se dire que à cet âge-là, il a déjà une sorte de préscience de ce que sera son œuvre à travers deux œuvres majeures, les deux œuvres les plus importantes de son œuvre, La ferme des animaux et 1984. Et c'est vrai que toutes ces lectures, quand on étudie un petit peu la vie de George Orwell, sont des éléments, des sortes de piliers qui vont permettre d'écrire. Pour lui, lire, c'est écrire. Il y a aussi un professeur quand même important pour lui, c'est Aldous Huxley, qui n'a pas encore écrit à ce moment-là Le meilleur des mondes. Oui, Aldous Huxley qui est un professeur chahuté qui enseigne le français à Eton, qui est chahuté par la plupart, mais George Orwell décèle en lui une sorte de talent pour faire comprendre l'importance de la langue française ou la langue en règle générale. Et là encore, il gardera longtemps en tête cet enseignement de son professeur d'Eton, en mettant en valeur justement cette importance du mot juste, de la précision dans la langue qui permet de penser juste. C'est un livre qu'il lira bien des années plus tard alors qu'il sera extrêmement déprimé. Oui. Ce livre va être pour lui une sorte d'épiphanie. C'est ça. Et puis on a, encore une fois, dans toute cette œuvre littéraire qu'il découvre, qu'il va lire au cours de sa vie, à chaque fois des petits éléments qui vont permettre de créer ces grandes œuvres qui sont situées à la fin de son existence. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté, ou en tout cas une envie de ne pas travailler comme les autres travaillent, déjà dès cette époque-là, quand on lit que ce qu'il veut, c'est profiter de la douceur de vivre, et quand on sait qu'ensuite, il va essayer finalement de passer par un moment de vie errante, il y a comme une sorte de refus du travail tel que la société nous demande de le faire, c'est ça Stéphane Maltaire qui se joue déjà à ce moment-là? Alors c'est vrai qu'à Eton, il profite vraiment de l'existence, hein, puisque les baignades, le sport, les lectures qu'il fait à ce moment-là C'est vrai que les études l'intéressent peu, il a l'impression d'avoir donné le maximum et de pouvoir se nourrir simplement de certains cours ou de certaines lectures, mais de ne pas être dans le moule qu'on voudrait lui imposer finalement. Donc il y a une philosophie de vie ici ? Probablement, même si il n'a jamais eu besoin de grand-chose, mais c'est peut-être les circonstances aussi et le fait qu'il gagne peu sa vie qui le fasse vivre un petit peu dans cette vie de dénuement. Mais l'errance dont vous parliez, la première errance est un peu une errance par hasard, en rentrant de d'Eton, un train manqué, et puis c'est la nuit à la belle étoile. Donc c'est pas encore une volonté de vivre en marge de la société. C'est ouais. plus un hasard qui fait découvrir cette vie-là. C'est une nuit à la belle étoile où il a extrêmement froid aussi, où il se rend compte de la dureté de cette vie-là. Et pour autant, il décide que c'est quelque chose qui l'intéresse, au point de mener un petit peu, justement, après Eton, donc il va décider d'arrêter ses études, ce type de vie pendant quelques temps. Oui, alors c'est pas l'errance qui suit immédiatement Eton, puisqu'il va y avoir la phase birmane qui va être... importante et qui va le décider finalement à s'engager dans cette vie-là d'errance, de vagabondage et de misère, plus en observateur d'ailleurs qu'en acteur, même s'il vit cette partie-là, cette vie-là un petit peu difficile. Mais pour l'instant, quand Eton, vraiment quand il a froid, il vit cette vie d'errance, mais il n'a pas le sentiment d'être engagé déjà dans une expérience qui va être... fondatrice pour la suite de son œuvre. Mmh. Donc après Eton, c'est l'appel de l'Orient. C'est l'appel de l'Orient. Alors l'envie de quitter ses études et puis de faire quelque chose d'autre. Alors lui, pour le coup, pas comme son père, il a l'âge de passer le concours pour entrer dans la police birmane. Mmh. Il réussit assez bien son concours d'ailleurs. C'est quand même qu'il ait choisi la police, c'est un peu contre-intuitif, non ? Oui, c'est mystérieux ce choix-là. Que veut-il découvrir en Birmanie ? Que veut-il voir ? Parce qu'il aurait pu choisir n'importe quel autre poste en Inde. Il choisit un autre pays que celui de sa naissance. En tout cas, il s'engage dans l'administration parce que c'est sans doute aussi un poste sûr. C'est quelque chose qui est rassurant peut-être pour ses parents de se dire qu'il va être en quelque sorte un instrument de l'Empire, mais avec un poste qui lui permettra de faire une belle carrière par la suite. Où il découvre néanmoins le racisme, les stupidités, des théories raciales, qui sont peut-être pas tout à fait les théories d'Hitler, mais enfin qui sont tout de même bien stupides. Oui, il y a une ségrégation très très forte, même pour les gens qui sont dans l'administration et qui sont indigènes, qui sont indiens par exemple, ou birmans, et qui n'ont pas l'accès aux clubs, des clubs de la bonne société blanche en Inde. Et c'est vrai qu'il découvre dès son voyage pour l'Inde, le mauvais traitement qu'on fait aux coulis, qui, même s'ils trébuchent par erreur, sont moqués, frappés, et puis là, c'est quelque chose qui est inadmissible pour lui tout de suite. Quand, en 1927, j'eus droit à prendre un congé en Angleterre, j'étais déjà à moitié décidé à quitter ce travail. Une seule bouffée de l'air anglais me détermina. Je ne retournerai pas en Birmanie pour continuer à asseoir ce funeste despotisme. Mais je voulais bien autre chose que fuir simplement ce genre de besogne. 5 années durant, j'avais été un des rouages d'un système d'oppression et j'en conservais une mauvaise conscience. Le souvenir d'innombrables visages me hantait de manière intolérable. Visages de détenus au banc des accusés, d'hommes attendant dans la cellule des condamnés, de subordonnés que j'avais rudoyés et de vieux paysans que j'avais humiliés, de domestiques et de coulis que j'avais boxés dans des moments d'exaspération. Là-bas, tout le monde ou presque a de ces réactions, de temps en temps à tout le moins. Les Orientaux savent bien vous narguer. Je me sentais accablé par le poids d'une gigantesque faute que je devais expier. Cela paraîtra sans doute exagéré, mais celui qui aura accompli pendant 5 ans une besogne qu'il désapprouve totalement éprouvera sans doute les mêmes sentiments. J'avais tout ramené à une théorie très simple. Les opprimés ont toujours raison, les oppresseurs ont toujours tort. Théorie fausse, mais qui se présente naturellement à l'esprit quand on est soi-même un oppresseur. Il y a une forte dose de culpabilité, Stéphane Malter, chez Orwell, qui découle en partie de ce moment birman. Oui, ces années passées en Birmanie, sont vraiment terribles pour sa conscience. Il se rend compte dès son arrivée finalement que c'est sans doute pas une tâche qui va lui convenir, même s'il profite des domestiques qui l'habillent, d'un certain confort lié à cet impérialisme britannique qui fait une différence entre les Anglais blancs et puis les indigènes. Et on a dans tout ce parcours, pendant ces 5 années, une prise de conscience progressive. Il y a pas mal d'événements qui vont se succéder, qui vont lui faire ouvrir les yeux finalement sur cette dictature finalement contre des peuples qu'on a envahis. Sur l'impérialisme aussi. Comment ? Sur l'impérialisme anglais. Sur l'impérialisme, bien sûr. Hein, il va avoir un rejet total de l'impérialisme et il va se servir aussi de cette expérience pour ses romans futurs, puisque pour moi c'est la Birmanie qui est vraiment le déterminant de tout le reste. Mmh. Parce qu'il sait déjà à ce moment-là, pour le coup, qu'il va devenir écrivain. Il sait qu'il ne restera pas un policier birman pendant encore bien longtemps. C'est sans doute la période où il écrit le moins, à part peut-être son roman intérieur qu'il avait engagé dans l'adolescence, où il se racontait presque en direct dans sa tête ce qu'il voyait, ce qu'il percevait. Mais sans doute que les tâches qu'on lui confie lui laissent peu de temps finalement pour l'écriture. Et donc en Birmanie, il est contraint en quelque sorte à obéir à des ordres, et puis il est le blanc qui doit faire régner l'ordre, qui doit exécuter, qui doit être une sorte de force d'occupation. Il le voit comme ça. Hein. Il se sent un occupant qui condamne des gens qui n'ont rien à faire et qui ne les prennent pas en considération. Alors évidemment, il était un petit peu obligé de rudoyer un certain nombre de gens. Enfin, était-il obligé ? En tout cas, on peut imaginer comment ces choses-là ont pu arriver. Il n'était pas obligé, en revanche, d'utiliser une forme de violence un peu plus tard, quand il sera professeur, et que les élèves n'étaient pas exactement comme il souhaitait qu'ils fussent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de rage, une espèce de violence chez Orwell ? Elle est sans doute contenue pendant toute une partie de l'enfance, effectivement. Quand il quitte la Birmanie, après avoir assisté, contraint et forcé à des pendaisons, à des exécutions, à plein de formes de violence, lui-même participant presque à une émeute en frappant un étudiant qu'il avait bousculé. Bon, il a heureusement évité de le frapper à la tête, qui aurait conduit sans doute à des conséquences terrifiantes, qu'il développe d'ailleurs dans une histoire birmane, son roman sur cette expérience-là. Et puis le meurtre de l'éléphant, le fait qu'il soit contraint parce que blanc, parce que c'est ce qu'on attend de lui finalement, d'aller exécuter cet éléphant qui a semé la terreur dans un bazar birman. Tout ça fait qu'il a une exaspération. Et ça explose effectivement au retour de ces quelques années en Birmanie. Et on en parlera juste après la chronique de Jacques Nerson. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jacques Nerson, célébrissime critique de théâtre, notamment au magazine L'Obs, mais également au Masque et la Plume sur France Inter. Bonjour Jacques, merci Bonjour de Mathieu. Venir nous rendre visite. Alors vous êtes allé au Théâtre Antoine, vous avez vu la pièce Plaidoirie. C'est une pièce interprétée par Richard Berry, écrite par Mathieu Aron et mise en scène par Éric Théobald. Que faut-il en penser, Jacques ? Mais d'abord, ce n'est pas une pièce. C'est-à-dire que ce sont des plaidoiries, ce sont des vraies plaidoiries qui ont été prononcées par des ténors du barreau. D'ailleurs, le titre du recueil de Mathieu Aron, c'était les grandes plaidoiries des ténors du barreau. C'est paru chez Pocket, notamment, ça a été rassemblé là. Et là, Richard Berry a choisi 5 plaidoiries, 5 plaidoyers magnifiques de grands... Que des grandes affaires contemporaines, enfin, ou plus ou moins contemporaines. Essentiellement, oui, enfin, il y a le procès de Courgeot, qui remonte déjà à quelques temps. La mère mais Courgeot. Effectivement, il y a Véronique Courgeot, il y a l'affaire de Clichy-sous-Bois avec Jean-Pierre Mignard. Il y a Henri Leclerc qui, oui, c'était pour l'affaire Courgeot. Enfin bon, Et ce qui me rend jaloux, vraiment, c'est que, au fond, en voyant ce spectacle, je me dis, mais est-ce que ça n'est presque pas mieux que du théâtre? Alors, vous êtes jaloux du journalisme, c'est ça? Je ne suis pas jaloux du journalisme, je suis jaloux de l'avocat. Ah, de l'avocat. C'est-à-dire que chez ces grands avocats, vous savez qu'on se moque souvent des avocats, on les appelle des bavards, des baveux, on parle de leurs effets de manche, ils représentent un peu une éloquence un peu emphatique, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Quand on écoute bien ces plaidoiries, il n'y a pas un mot inutile, ce sont au contraire des démonstrations d'une rigueur implacable. Et je me dis que beaucoup d'auteurs de théâtre flânent un peu en écrivant, se regardent écrire et trouvent très joli ce qu'ils écrivent. Et là, évidemment, on peut pas se permettre ça quand il y a la réputation d'un homme, quelquefois même sa vie, puisque il y a l'affaire Renucci. Un avocat peut pas se permettre ça. Enfin, en tout cas, un grand avocat. Et pour des affaires de cette importance, ce sont toutes des affaires d'assises. Et là, c'est une écriture incroyablement nécessaire et forte. Et Richard Berry, qui est un acteur, je dois vous l'avouer, que j'ai pas une passion pour lui d'habitude, mais là, alors, il s'efface complètement derrière les textes, derrière les avocats, derrière les causes. Il fait un travail d'une très grande intelligence. Ça passe très vite. Hein. Elles ont été ramassées. En réalité, j'entendais Henri Leclerc dire que l'affaire Courgeot, sa plaidoirie avait duré une heure. Là, elle dure tout au plus un quart d'heure, peut-être même moins. Mais il y a quand même l'essentiel et ça passe incroyablement. Le public est très très sensible à ce qu'il entend. Ça, vraiment, je crois que c'est un spectacle très fort. Vitesse disait qu'on peut faire théâtre de tout. Ben, c'est vrai. Oui. Donc, je mentionnais le journalisme parce que Mathieu Aron, qui a assisté quand même à ces plaidoiries, a eu l'idée finalement d'en faire voilà un spectacle. Oui, et puis il les présente. Alors là dans le spectacle, ça n'est pas vraiment présenté, mais c'est lui en grande partie qui a choisi les moments essentiels pour qu'on comprenne bien l'affaire en question chaque fois. Donc c'est jusqu'au 17 novembre. C'est magnifique, vraiment. Je vous le recommande. C'est à 19h et ça passe comme un rêve. Et c'est au Théâtre Antoine. Merci beaucoup, Jacques Nerson. À très bientôt. De notre biographie d'Orwell avec ce nouvel extrait du texte « La carrière d'un révolté en souvenir de George Orwell » de l'écrivain Arthur Koestler. Un critique anglais a dit de lui, il y a peu de temps, qu'il était l'écrivain vivant le plus sincère. Son intransigeante honnêteté intellectuelle était telle qu'elle le faisait paraître parfois presque inhumain. Il émanait de lui une espèce d'austère dureté qui diminuait, eût-on dit, en raison de la distance. Impitoyable envers lui-même, sévère avec ses amis, indifférent aux admirateurs, il était plein de sympathie et de compassion pour ceux de la lointaine périphérie, pour les foules des grandes villes, aux visages osseux, aux mauvaises dents, aux manières polies, les files d'attente devant les bureaux du travail, les vieilles filles qui roulent à bicyclette dans la brume des matins d'automne vers la table de communion. Ainsi, plus on s'éloigne de l'intimité, plus large est le segment du cercle, plus les radiations de la grande puissance d'amour de ce solitaire deviennent chaleureuses. Des auteurs. C'est le portrait d'un homme d'une grande éthique que fait de lui Arthur Koestler, et cette éthique, elle cherche à s'incarner évidemment dans ses écrits et notamment dans son premier manuscrit. Alors avant de dire de quoi il s'agit, il faut rappeler qu'après la Birmanie, Orwell, qui décide réellement d'être écrivain, va aller à Paris vivre une vie au plus près finalement de l'errance dont on parlait tout à l'heure. Oui, on a la Birmanie qui lui laisse vraiment une trace profonde. On est dans finalement le rejet de tout totalitarisme, de toute oppression, et lui se sent complètement responsable de ce qu'il a fait, et il veut se racheter vraiment. Et avant de partir à Paris, il va déjà côtoyer les vagabonds de l'East End de londonien et vivre cette vie d'errance. Alors avec l'idée effectivement d'écrire, il a le projet de se mettre vraiment à l'écriture. Il lance de témoigner, hein. Et il lance aussi sans doute le projet d'écrire sur la Birmanie en parallèle, même si on ne sait pas exactement quand son manuscrit a commencé. Et quand il se rend à Paris, effectivement, il profite finalement de sa tante Nelly qui va y vivre quelque temps. Il prend un appartement et ça va être une vie de déchéance totale. Il tombe très vite malade en plus à cause de l'hiver rude parisien. Et comme il est déjà fragile depuis l'enfance des poumons, il passe quelques semaines, pratiquement un mois à l'hôpital Cochin. Il va découvrir les conditions dans lesquelles on fait finalement mourir les plus pauvres, les plus démunis. Et dans cette partie-là de son existence, où il côtoie aussi une jeune femme qui s'appelle Suzanne, qui va le laisser sans rien, puisqu'il croit tomber amoureux de cette jeune fille qui est en réalité une prostituée qui a bien profité de ses largesses. Elle lui vole tout et il va devoir vivre une vie de petit boulot en découvrant finalement comment se passent les préparations dans les grands hôtels. Il fait la plonge notamment dans les hôtels. Il fait la plonge, il voit les choses, on fait tomber un steak, on le ramasse, on le lave, on le remet dans l'assiette. Des choses dégoûtantes ça, qui seront contestées. Enfin, oui, ça sera contesté. Alors, bon, il l'a vu. Comme on a parlé de son honnêteté, il n'y a aucune raison qu'il ait inventé ce qu'il a pu voir. Il n'avait pas d'intérêt finalement à le faire. Il a décrit suffisamment bien la misère. Mais c'est vrai qu'il commence l'écriture par le témoignage, par finalement presque un travail journalistique de reportage. Il se plonge. Même s'il sait qu'il a une porte de sortie, hein, il sait qu'il y a en Angleterre des gens qui pourront lui envoyer de l'argent pour sortir de la situation, mais il se plonge littéralement dans la vie des plus démunis pour se racheter de la Birmanie. C'est là où il change d'identité et où il se choisit ce pseudonyme qui est le nom d'une rivière en Angleterre. Oui, il a proposé à son éditeur plusieurs noms. Alors il avait déjà des noms d'emprunt quand il était errant. Il ne donnait pas évidemment sa véritable identité. Quand il a tenté plusieurs fois d'aller en prison en s'enivrant, et donc il va choisir sur une liste en disant « j'ai un faible pour George Orwell », donc cette petite rivière, on ne sait pas vraiment exactement pourquoi il a choisi ni ce prénom-là, ni ce nom, on a quelques pistes, mais il n'a jamais fait un aveu vraiment très, très clair là-dessus. Mais il a envie de se dissimuler, visiblement. Il n'a pas envie que cet écrit-là, si jamais c'est un insuccès, si donc dans la dèche à Paris et à Londres, le livre en question n'est pas un succès, il n'a pas envie que ça freine sa carrière et de pouvoir peut-être écrire sur d'autres sujets ou d'autres récits. Alors c'est son premier manuscrit, on est en 1932, il choisit donc ce pseudonyme. Est-ce que précisément ça va être un succès? Est-ce que ça va changer quelque chose à la vie de celui qui s'appelle maintenant George Orwell? Alors ça change forcément quelque chose à sa vie, puisqu'il est passé de l'écrivain apprenti à écrivain professionnel, puisqu'il est reconnu très rapidement par la critique. Même si on va contester parfois la vérité de ses écrits ou peut-être mettre en doute en disant mais finalement il n'est qu'un témoin un petit peu privilégié puisqu'il n'arrive pas de toute façon, il ne sera jamais un clochard comme ceux qui l'observent, mais il restera un homme qui observe les clochards. Mais il en tire déjà une forme de confiance dans ce qu'il peut écrire. Et il fait la découverte de son éditeur, Victor Golantz, qui est un éditeur qui a pris le risque d'éditer ce livre-là. Alors il y a d'autres textes, hein. Il y a Une fille de pasteur, par exemple, qui date à peu près de cette époque aussi. Oui, alors tous ces récits qui sont jusqu'à la ferme des animaux, finalement, sont à chaque fois des récits qui prennent leurs matériaux dans sa vie. On retrouve à chaque fois, pour Une fille de pasteur, c'est toutes les années d'enseignement qui vont être reprises. Également, une partie de l'errance, puisque cette jeune fille, Dorothy, qui vit une vie assez banale dans un petit village auprès de son père pasteur qui s'endette, va perdre la mémoire et va se retrouver parmi les vagabonds londoniens, sans plus connaître son identité. Et quand on voit aussi comment se termine ce récit, finalement elle revient à sa vie d'avant, rien n'a changé, elle a accepté cette vie assez terne. On a aussi à peu près tous les schémas des romans ou des récits de George Orwell, qui vont être toujours une prise de conscience de quelque chose qui ne va pas, une sorte de révolution, en quelque sorte, et finalement un retour au point de départ. Mmh. Mais alors vous qui avez tout lu de George Orwell, tout à l'heure vous disiez qu'il avait dû apprendre à écrire, qu'il y avait quelque chose d'un peu laborieux quand même au départ chez cet écrivain. Qu'est-ce qu'il a appris et au fur et à mesure, comment devient-il vraiment l'écrivain de 1984 où là on est dans un livre qui est très maîtrisé? Oui, maîtrisé, mais peut-être pas autant qu'il aurait voulu, puisque il n'a pas pu le finir. Voilà, il n'a pas pu vraiment véritablement finir les relectures, couper ce qui était peut-être un petit peu long. Mais l'écriture, il l'apprend aux côtés d'abord d'une poétesse qui s'appelle Ruth Peter, qu'on ne connaît pas vraiment en France, hein, et qui va beaucoup se moquer de lui, qui va lui imposer des sujets, il va écrire, et puis finalement, elle va dire, mais ça vaut rien. Donc, il va apprendre comme ça. Et plus tard aussi, il apprendra en s'inspirant d'autres écrivains, comme Swift, par exemple, ou Somerset Maugham. Il recopie des passages. Oui, de mémoire. Il a appris par cœur. Il lit des passages. Alors, pour lui, Somerset Maugham, c'est vraiment le style le plus ramassé possible. Il n'y a jamais de mots qui dépassent. Donc, pour lui, c'est une écriture parfaite. Et donc, il lit un passage, il referme le livre, il recopie de mémoire, et il s'entraîne comme ça à l'écriture. Alors, il y a Dans la Dèche à Paris et à Londres, et puis son éditeur, Victor Golanx, va lui proposer d'écrire un autre livre dans une veine un petit peu similaire, mais cette fois sur la condition des chômeurs dans le nord de l'Angleterre. Et ça, c'est un grand livre, enfin vous allez nous dire ce que vous en pensez, qui s'appelle Le Quai de Wigan. Le Quai de Wigan, effectivement, ça part d'un désir de son éditeur de le voir faire un reportage, un nouveau reportage en immersion auprès des mineurs, auprès des fileurs de coton, auprès des chômeurs, des ouvriers en tout cas du nord de l'Angleterre. Et il y va véritablement avec toujours ce sentiment de culpabilité, mais déjà il a perçu qu'il pouvait en tirer une œuvre sans doute qui permettrait de dénoncer ces conditions-là. Pour lui, vraiment, il prend conscience, et il veut voir d'abord, il ne préjuge jamais des choses, il veut voir et après donner son opinion. Et il découvre cette vie de misère, ces villages anglais qui sont finalement déformés par les terrils, par toute cette machinerie aussi qui est mise en place. Et c'est un décor qui est apocalyptique pour lui. Et les conditions même de vie de ces ouvriers lui font prendre conscience véritablement qu'il faut faire quelque chose et que les choses doivent changer. Donc on a là affaire à un écrivain proprement engagé. Oui, il va à partir de ce moment-là, on est dans les années 36 à peu près, prendre conscience que toute écriture est une écriture politique et il a véritablement envie, lui, d'en faire partie. C'est-à-dire qu'il a pour l'instant plutôt travaillé l'esthétique, il a travaillé aussi ce qu'il appelle le pur plaisir en quelque sorte pour assez égoïste d'écrire en disant j'écris pourquoi, j'écris pour être reconnu, j'écris pour faire plaisir à ma famille, j'écris pour me venger de professeurs qui ne croyaient pas en moi. Mais il a dépassé ça à partir de ce moment-là, c'est une sorte de période charnière et il se dit que véritablement il a des messages à faire passer pour les générations futures et il veut montrer le monde tel qu'il est. Écrivain engagé, écrivain socialiste aussi, pourrait-on ajouter ? Écrivain socialiste, même s'il prendra la carte de l'ILP, donc le Parti Travailliste Indépendant, donc qui n'est pas tout à fait le Parti Travailliste, pendant 2 ans simplement, hein, il va très vite abandonner. Il est quand même un esprit, pour lui, assez indépendant. Il n'a pas tellement envie d'appartenir à un mouvement politique. Mais il trouve que c'est la seule voie possible pour que le monde aille mieux, partager, faire en sorte que tous les hommes puissent vivre correctement avec... avec cette idée de partage également. Alors Orwell ne sera jamais riche, ses livres se vendront bien seulement après sa mort, enfin réellement bien après sa mort, donc il doit faire un certain nombre de travaux. Il est notamment commerçant, alors il va reprendre une sorte de pas de porte, un peu perdu dans le nord de l'Angleterre avec, ah oui on l'a pas dit, sa femme Eileen. Oui, alors il va rencontrer Eileen un petit peu par hasard. Il fait la colocation avec 2 étudiantes. Là, à ce moment-là, il est bibliothécaire, il est libraire, on pourrait dire plutôt, libraire à Londres. Il rencontre Eileen et ils vont s'installer après leur mariage. Alors, il voulait se marier uniquement quand il aurait de l'argent, puis finalement, il décide d'épouser avant, puisqu'il avait bien conscience qu'il n'aurait jamais suffisamment d'argent pour le faire. Et donc, il s'installe effectivement dans un petit village, pour faire une sorte de, vivre une vie d'épicier assez modeste, ce qui lui permet de garder du temps dans pour écrire quand également. Même, dans des conditions de confort assez mauvaises. Oui, Oui, le fait qu'il ne gagne pas assez d'argent avec les critiques qu'il peut écrire ou les articles qu'il fait pour les journaux, ni même avec ses livres, font que finalement, il vit une vie assez misérable, oui. Ouais. Mais son objectif final, c'est de faire de l'écriture politique un art à part entière. Et c'est dans cette optique-là que va arriver l'épisode dont on parlera beaucoup avec Jean-Jacques Rosa, qui est l'épisode de la guerre d'Espagne. On peut juste en dire un mot pour avoir aussi ce moment-là dans cette biographie d'Orwell. Oui, la guerre d'Espagne, c'est véritablement un engagement, hein. Il a envie d'en découdre avec le fascisme. Et donc, il part vraiment s'engager dans cette guerre-là. Il y sera blessé d'ailleurs à la gorge. Hein. Il va en tirer encore une fois un reportage qui sera... Alors même s'il est publié un petit peu tardivement, ce qui fait qu'il n'est plus tout à fait dans l'actualité, ça n'intéresse plus vraiment les Anglais à ce moment-là, l'histoire de la guerre d'Espagne. Mais c'est un texte qui est très intéressant puisqu'on voit de l'intérieur finalement comment se passaient ces combats. Alors, on a tout un imaginaire, mais c'était vraiment des choses... Il imaginait participer à une grande guerre et finalement c'était des petits coups de feu de temps en temps. On sent qu'il y a un désir d'héroïsme chez lui, un petit peu déçu. Oui, parce qu'il ne participe pas à la Première Guerre mondiale, trop jeune, mais il en avait le désir finalement, le désir de se battre, désir de prendre les armes, même quand la guerre arrivera à la Seconde Guerre mondiale, il a envie de s'engager à tout prix pour son pays, le patriotisme, quelque chose qui est important pour lui. Et là, il a le sentiment en Espagne qu'il a son rôle à jouer en tant qu'Européen, pour vaincre le fascisme. Et le texte dont vous parlez, c'est « Hommage à la Catalogne ». En voici un extrait. Il était évident qu'il y aurait moins de danger pour ma femme à rester à l'hôtel, tout au moins momentanément. Si elle tentait de disparaître, il serait immédiatement à ses trousses. Quant à moi, il me fallait me cacher sans plus tarder. Cela me révoltait. En dépit de ces innombrables arrestations, je ne parvenais pas à croire que je courais un danger quelconque. Tout cela me semblait par trop absurde. C'était ce même refus de prendre au sérieux des attaques ineptes qui avaient conduit Cop en prison. Je ne cessais de répéter, mais pour quelle raison trouverait-on nécessaire de m'arrêter? Qu'avais-je fait? Je n'étais même pas membre du POUM. Oui, j'avais porté les armes durant les troubles de mai, mais comme l'avaient fait, disons, 40 ou 50 000 autres. En outre, j'avais rudement besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'avais envie de courir le risque et de retourner à l'hôtel. Mais ma femme ne voulut pas en entendre parler. Patiemment, elle m'expliqua la situation. Peu importait ce que j'avais ou n'avais pas fait. Il ne s'agissait pas d'une rafle de criminels, il s'agissait d'un régime de terreur. Je n'étais coupable d'aucun acte précis, mais j'étais coupable de trotskisme. Le fait d'avoir servi dans des milices du POUM était à lui seul amplement suffisant à me mener en prison. Il était vain ici de se cramponner à la notion anglaise qu'on est en sécurité aussi longtemps qu'on respecte la loi. Dans la pratique, la loi était ce qui plaisait à la police qu'elle fût. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait, Stéphane Malter ? Alors, à ce moment-là, George Orwell et Eric Blair est harcelé. Finalement, il est déclaré avec la milice du POUM illégal. Et donc, il doit quitter le territoire et il assiste véritablement à la vaporisation qu'on retrouve dans 1984 de certaines personnalités qui disparaissent tout à coup, qui sont éliminées. Disparaissent aussi de la mémoire et de l'histoire. Voilà, puisqu'on réécrit les choses. Quand il participe à un moment donné à une petite guérilla aux abords du front d'Aragon, c'est une petite bataille qu'ils ont perdue et finalement ils lisent le lendemain dans la presse le contraire, un article élogieux sur la grande victoire qu'ils ont établie. Et là il se dit qu'il y a quelque chose sans doute qui ne tourne pas rond et il prend conscience que la propagande est la plus dangereuse sans doute dans cette guerre-là. Et il en fera quelque chose aussi dans 1984, évidemment. Mais alors la propagande, il la connaît aussi d'une autre manière, c'est que rentré à Londres, pendant la Première Guerre mondiale, il va travailler à la BBC. Alors est-ce de la propagande ? Peut-être pas vraiment, mais en tout cas, il y a forcément, pendant ces périodes guerrières, des petits relents de propagande. Oui, il travaille à la BBC un petit peu pour différentes raisons. Il y fait des conférences, alors il peut parler d'impérialisme, il peut parler de plein de sujets. Et il va y travailler régulièrement à la section indienne qui n'est pas du tout écoutée visiblement, hein, il en sera d'ailleurs assez déçu. mais on lui demande quand même de faire passer certains messages, puisqu'il faut garder l'influence anglaise en Inde, alors que les nazis essayent d'avoir la main mise sur l'Inde également. Donc il sera aussi au cœur de la machine de propagande, et il en fera partie encore une fois. C'est-à-dire qu'il était policier en Birmanie, oppresseur, et il se retrouve à la BBC en train de débiter parfois des textes dont il a un peu honte. Donc il est dans un petit bureau qui fait un petit peu penser au bureau de 1984 où le héros justement doit s'occuper de la propagande. Oui, c'est ça. Il a l'impression de dans cette grande machine aussi très administrative où on doit écrire tout en 10 exemplaires, d'être un petit peu celui qui fait passer des messages réécrits, qui travestissent en quelque sorte la vérité. Alors il faut dire qu'il est déjà un petit peu malade. D'ailleurs, depuis son enfance, il a une santé un petit peu fragile, Stéphane Malter. Ça ne va pas s'arranger, évidemment. Non, il fait beaucoup de séjours, parfois 6 mois entiers, dans des sanatoriums. Il souffre de tuberculose. Et évidemment, ça interrompt son œuvre, puisqu'on interdit à tout prix qu'il s'épuise à écrire. Ce qui le tuera, c'est justement cet épuisement-là, hein, généralisé. Et il écrivait dans son lit pendant les derniers mois. Il s'était même habitué, justement. Oui, c'est ça. Il trouve des moyens d'écrire avec une petite écritoire adaptée pour son lit, taper à la machine jusqu'à l'épuisement, comme il le fera pour 1984. Oui. Alors, il a adopté un enfant aussi, il faut le dire, avant la mort de sa femme Eileen. Oui, à la mort de sa mère, lui vient un peu le désir de devenir père. Et ils vont adopter, effectivement. Elle ne peut pas avoir d'enfant, puis elle mourra d'une opération assez brutalement, en pleine anesthésie. Et il décide effectivement d'adopter. Alors c'est un enfant qu'il n'aura pas l'occasion effectivement de voir beaucoup, puisque les séjours à l'hôpital seront réguliers. Et finalement, il connaît son enfant 6 ans en tout. Alors il y a une autre femme dans la vie tardive de Orwell. Cette femme, c'est Julia. Enfin, c'est le personnage de Julia dans 1984. En réalité, elle s'appelle Sonia. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme? Alors, Sonia, il la rencontre dans un journal, Horizon. Et il est encore à ce moment-là avec Eileen, qui n'est pas décédée. Il la retrouve bien des années plus tard, mais Sonia Brunel n'a pas véritablement d'attirance physique pour lui. C'est le drame de sa vie. Ça sera le drame de sa vie. De toute façon, toutes les femmes qu'il aura convoitées, à qui il demande systématiquement « Est-ce que tu veux m'épouser ?» répondent donc non. Sauf Eileen, qui n'a pas refusé, donc il a sauté sur l'occasion de l'épouser puisqu'elle n'avait pas dit non. Mais c'est vrai qu'il l'oublie quand même relativement vite après sa mort. Ils ont vécu 10 ans ensemble avec Eileen. On a l'impression qu'il se remet très facilement de cette mort. Il est quand même dévasté, hein, il revient, il était reporter de guerre, il revient, c'est quelque chose qui l'atteint. Mais bon, il avance dans cette vie-là. Et Sonia Brunel, qui ne s'intéresse pas du tout à lui, va sentir qu'avec le succès, alors c'est peut-être une vision un peu terrible, mais avec le succès de La Ferme des Animaux et celui qui se profile de 1984, que finalement peut-être que George Orwell est un parti possible. Oui, d'autant plus que elle, qui était amoureuse de Maurice Merleau-Ponty, n'avait pas réussi finalement à le séduire. Oui, il était marié et puis il ne voulait pas quitter sa femme. Il l'a abandonnée, il a fui. Et donc Sonia Brunel s'est retrouvée dans une situation où elle a dû se trouver un protecteur, et ce protecteur, c'est George Orwell. George Orwell qui meurt à l'âge de 46 ans seulement. Oui, il meurt au tout début de 1950, et il va laisser une œuvre qu'elle va gérer, justement. Sonia, c'est elle qui va prendre en charge tout cela, finalement. Leur mariage dure 3 mois, et elle va avoir George Orwell à vie, à s'occuper de cette œuvre. Elle s'en occupera bien. Bon, elle s'en occupera bien. Même si elle refusera dans un premier temps d'avoir des adaptations filmiques de ses œuvres, on peut dire qu'elle a contribué à la renommée de George Orwell. Merci beaucoup, Stéphane Malter. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je suis sûr qu'ils sont nombreux dans la connaissance de la vie de George Orwell, je renvoie vers votre biographie parue en folio en 2015. C'est également dans la collection Folio Biographique que vous avez fait paraître en 2012 cette fois un portrait de Madame de Sévigné. Cette émission ne pourrait avoir lieu sans les indispensables Laurence Genepin, Laurence Millian, Vanessa Prévost, Didier Pinault et Stéphanie Vélin derrière la console, tout aussi indispensables. C'était aujourd'hui Jean-Frédérix. Demain, nous poursuivons notre thématique Orwell. Ce sera avec François Borde et Bruce Bégout qui nous parleront d'abord de 1984, puis de l'idée de décence ordinaire.